بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، donc nous continuons inshallah ta'ala l'explication du livre Manhaj al-Salikin de l'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala avec les annotations de notre cheikh Arafat ibn Hassan al-Muhammadi hafizahullah ta'ala. Donc nous avons commencé le chapitre de la purification, Kitab al-Tahara, et nous sommes arrivés au sous-chapitre concernant les récipients. Bab ahkam al-aniyah, c'est-à-dire chapitre concernant le jugement des récipients, les récipients qu'on utilise pour les ablutions, par exemple. هذه لوازم للطهارة. لأن لما تتوضأ من الماء أين سيكون الماء؟ فهذا الوقت كانوا يصبون الماء في الإناء ويتوضؤون من الإناء حتى الآن. Donc ce chapitre, ce sous-chapitre, il fait partie des chapitres obligatoires dans la purification. Pourquoi? Parce que lorsque je fais mes ablutions, j'utilise quoi? J'utilise l'eau. Et l'eau, je la mets où? L'eau, je vais la mettre dans un récipient. À cette époque, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il puisait l'eau et il mettait l'eau dans un récipient. Et il faisait les ablutions dans ce récipient jusqu'à notre époque. Donc on a besoin de connaître les jugements concernant les récipients. وَجَمِيعُ الْأَوَانِ مُبَاحَ. Et donc tous les récipients sont permis. L'ensemble des récipients sont permis. كَأَنَّهُ يُشِير يعني المؤلف رحمه الله تعالى من القاعدة العامة وهي الأصل في الأشياء الإباحة إلى الخاصة. الأصل أن أي إناء مباح إلا ما جاء دليل أن لا يجوز هذا الإناء. Et donc ici, l'auteur du livre, il nous indique ou il veut nous indiquer la règle générale. C'est-à-dire que toute chose, dans toute chose, la permission c'est quoi? Pardon, dans toute chose, la base c'est quoi? La permission. Donc il y a cette règle générale et lui veut nous présenter ou il nous amène à la règle spécifique qui est que la base dans les récipients, à la base tous les récipients sont permis. Tous les récipients sont permis excepté les récipients pour lesquels une preuve est venue en mentionnant qu'il n'est pas permis d'utiliser ces récipients. Donc la base c'est la permission. La base, tous les récipients qu'on peut utiliser sont permis, excepté s'il y a un dalil, une preuve qui vient nous dire que ce n'est pas permis. Donc si un jour j'utilise un récipient pour mettre de l'eau pour faire mes ablutions et quelqu'un vient me dire « Akhi haram »« Haram alik »« Haram » c'est interdit que tu utilises ce quoi? Ce récipient. Tayeb, mettre dalil. Pourquoi? C'est quoi la preuve que ceci est haram? Parce que la base, c'est que c'est permis. La base, c'est que tous les récipients sont permis. Quelle est la preuve, ya akhi, que ça c'est haram? Ramène-moi la parole dans le Coran ou dans la Sunna. Et donc là, l'auteur, il va mentionner les exceptions. Illa aniyatu dhahab wal fidda. Donc tout est permis sauf les récipients. Les récipients en or et en argent. Et les récipients sur lesquels il y a de l'or et de l'argent. Ils ne sont pas faits en or ou en argent, mais il y a de l'or et de l'argent dessus. illa al-yasir min al-fidda lil-haja, excepté les récipients où il y a un tout petit peu d'argent dessus pour une raison particulière. Et on va expliquer ceci. Donc on résume la parole de l'auteur. Tous les récipients sont permis, sauf les récipients faits en or ou en argent, ou les récipients sur lesquels se trouve de l'or ou de l'argent. D'accord ? Et l'exception à l'exception, l'exception à l'exception, c'est quoi ? C'est un récipient où il y a un tout petit peu d'argent qui a été rajouté pour une raison particulière, et on va le voir ici. La yajuz laka an tatawadda'a fi ina'in min dhahab aw min fidda illa al-yasir min al-fidda. Il n'est pas permis donc pour un musulman de faire les ablutions avec un récipient fait d'or ou d'argent, excepté s'il y a un tout petit peu d'argent. Quand je dis l'argent, c'est la matière, hein. On ne parle pas de la monnaie. On parle de l'argent, la matière. قَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِ أَنَسْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي صَحِيحَ الْبُخَارِي. Anas. Samedi Anas. On n'a pas mis Anas. Anas. في صحيح البخاري أن إناء صلى الله عليه وسلم انكسر من الشعب فجعل مكانه الضبة يعني الذي تخطي الكسر من فضة فيجوز أن تخطي هذه الكسر لأنه شيء يسير أولا وثانيا أنه للحاجة لو كان هنا شيء آخر يسد هذا المسد لا تستخدم هذا الفضة. Donc pourquoi on dit qu'il est possible d'utiliser un petit peu d'argent dans le récipient? Parce qu'il y a un hadith, hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu dans Sahih al-Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un récipient qui s'est légèrement fendu, cassé. Alors à la place de cette cassure, de cette fente, il a mis quoi? Il a mis de l'argent. Il a mis de l'argent, la matière de l'argent. D'accord? Donc ceci nous prouve quoi? Ceci nous prouve qu'il est permis de couvrir une cassure ou une fente dans un récipient avec de l'argent. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est quelque chose qui est en petite quantité, hein? Et deuxièmement, c'est pour un besoin. C'est pour un besoin. Donc si par exemple, il est possible de combler ce trou avec autre que de l'argent, alors on ne prend pas l'argent, on prend le reste. Hein? Mais à l'époque, l'argent, c'était ce qui était le plus facile à utiliser pour combler les trous, d'accord, d'un récipient. Aujourd'hui, peut-être il existe une matière où on peut couper, hein, tu as un pot en plastique par exemple, et dedans il y a un trou. Tu ne veux pas jeter le pot, tu veux le garder, tu mets quelque chose, hein, peut-être il y a une matière qui existe, une résine ou je ne sais quoi, hein, pour couvrir le trou, d'accord? Vous comprenez? لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه. Et là le cheikh, l'auteur du livre, il mentionne la preuve de ce qu'il avance. Il dit: la preuve de ceci, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne buvez pas dans les récipients d'or et d'argent. Et ne mangez pas dans leurs plats, les plats faits d'or ou d'argent. Car certes, ils sont pour eux dans la dunya et ils sont pour vous dans l'akhira. C'est qui eux? Al-Kuffar. Yani, l'or et l'argent, c'est pour eux dans la dunya, yani pour le kuffar. Et l'or et l'argent sera pourvu pour vous, yani, fil janna. Hein, muttafaqun ali, comme rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Qad yaqul qa'il. Ala kalam shaykhina Arafat, hafidhahullah ta'ala. Ad-dalil khas. Wa ma istadalla al-mu'allif am. Alaysa dalil an-shirab wa akl faqat. Quelqu'un pourrait nous dire, mais la preuve ici, que l'auteur a mentionné, elle est spécifique, hein, au fait de boire et de manger. Et l'auteur, lui, l'utilise de manière générale pour dire toute utilisation est interdite. Comment on répond à cela? Comment on répond, hein, à ce problème? هذا يسمى استعمال أي استعمال الذهب والفضة في غير الطعام وحديث وحذيفة وشراب عفوا في غير الطعام والشراب لأنهما بالإجماع أنه لا يجوز بل هذا من الكبائر. On répond comment? En disant que le fait de boire et de manger, on appelle ça quoi? Le fait de boire et de manger avec ces récipients, on appelle ça une utilisation. On utilise, hein, ces récipients d'or et d'argent pour manger ou pour boire. D'accord? Et on peut aussi utiliser pour autre que manger et pour boire. Yannis, ce qui est interdit, c'est pas seulement manger et boire avec ces récipients, c'est l'utilisation. C'est l'utilisation. Et il y a un consensus des savants pour dire qu'il n'est pas permis l'utilisation des récipients en or et en argent. Et on dit que l'ijma, hein, le consensus des savants, c'est une preuve dans l'islam. Et ça fait même partie, ici nous dit le shir, des grands péchés. Ici, ça fait partie des grands péchés. « Ja'a fi hadithi Udayfa wa hadith Salama » الذي يشرب في آنية الذهب والفضة يجرجر في بطنه نار جهنم هذا يدل أنها كبيرة. Il dit, il est rapporté dans un hadith de Hudhayfa. Hudhayfa ibn al-Yaman رضي الله عنهما. Al-Yaman, c'est un sahabi qui a été tué en martyr à quelle bataille? Uhud, à la bataille de Uhud, qui a eu lieu en l'année... Quelle année? Wahud? Deux ou trois? Ikhtalaf al-ulama. Bad 2 et Wahud 3, voilà. Non, 3. L'histoire est connue. Et lorsqu'il y a eu la confusion dans l'armée musulmane lors de la bataille de Wahud, et que les kofal ont attaqué les musulmans par l'arrière, et qu'ensuite, hein, les Quraysh, les Kofar ont attaqué par devant, ils se sont retrouvés en sandwich, hein, ils se sont retrouvés dans un étau, hein, et donc certains musulmans se sont retournés pour se défendre, hein, et ont combattu d'autres musulmans involontairement, et certains musulmans ont vu, ils se sont retournés, ils ont vu Yémen, et Hudhayfa a dit c'est mon père, attention, et ils l'ont pas entendu et ils l'ont tué. Il est rapporté que Hudhayfa n'a jamais eu de rancune, hein, envers ceux qui avaient tué son père. Radiyallahu anhum ajma'in. Al-Muhim. Al-Yaman donc est mort martyr à la bataille de Uhud. Donc il y a un hadith de Hudhayfa ibn Yaman et de Salama. Hein? Zawjatu Nabihi sallallahu alayhi wa sallam. Qui dit, celui qui boit dans un récipient d'or ou d'argent, alors il aura le feu de l'enfer qui bout dans son ventre. Il y a le feu de l'enfer, hein, dans son ventre, Allahu Akbar. Donc ceci nous prouve que ça fait partie des grands péchés. Pourquoi? Na'alifu anna al-amal min al-kabahir bi anni khamsati umur. L'ulama, hein, bayyanu dhalik. Yani, comment on sait qu'une œuvre fait partie des grands péchés? Ils ont mentionné 5 principales choses qui nous montrent que c'est un grand péché. Ça, c'est important de savoir. Premièrement, wa'idun shadidun. Wa'idun bin nar. Si le châtiment de cette œuvre, de cet acte, est un châtiment dur, terrible, un châtiment par le feu de l'enfer. Si on voit dans un texte, dans le Coran, dans la Sunna, que telle chose, sa rétribution, c'est le feu de l'enfer, ça prouve que quoi? C'est un grand châtiment. C'est un grand péché, d'accord? Deuxième, ثانياً حبوط العمل. Deuxième chose, ça nous prouve, c'est celui qui fait cette œuvre, alors ça annule ses œuvres, ça annule son œuvre. Hein, le fait de faire quelque chose qui va annuler l'œuvre complètement. Donc ça, ceci nous prouve que c'est quoi ? C'est un grand péché. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك العصر حبط عمله. Celui qui délaisse le asr, hein, ses œuvres sont annulées, vaines. Alhamdulillah. Et comment ça va avec vous ? Non ? Sur le hadith là ? Sur le hadith, c'est juste un exemple. Mais pour nous dire que quoi ? Que celui, si on a un texte qui nous dit que tel acte annule l'œuvre, alors ça prouve que c'est un grand péché. D'accord ? Bien sûr, il n'y a que le shirk qui annule toutes les œuvres de la personne. D'accord ? Il n'y a que le shirk qui annule toutes les œuvres de la personne. Là, il parle de l'œuvre en elle-même. D'accord ? Ensuite, ثالثاً رتب عليه حد يعني مثلاً من شرب الخمر يجلد كذا وكذا. Troisièmement, qui nous prouve que c'est un grand péché, si le prophète, aussi dans le Coran, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné une sentence particulière sur celui qui fait cet acte. Comme par exemple, celui qui boit d'alcool, il sera fouetté par tant nombre de coups de fouet. Donc là, il y a une sentence particulière. S'il y a une sentence particulière qui vient dans les textes, ça nous prouve que c'est un grand péché. D'accord ? فَالْحُدُودُ تُرَتَّبْ عَنِ الْكَبَائِرِ hein? الحدود, les sentences qui sont données dans l'islam, hein? Comme le voleur, on lui coupe la main. C'est un grand péché ou c'est un petit péché ? C'est un grand péché. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sentence particulière. Celui qui fait fornication, hein? On le lapide par exemple, ou on le fouette selon les situations. C'est un grand péché ou un petit péché ? C'est un grand péché parce qu'il y a une sentence. Rabi'an an ya'ti an-nas bi'annaha kabira. Quatrièmement, il y a un texte qui vient nous dire que telle chose est un grand péché. Hein? Est un grand péché. Et enfin, cinquièmement, khamisan. Cinquièmement, lorsque la malédiction d'Allah est sur cette personne s'il fait telle œuvre. Celui qui fait telle œuvre, il a la malédiction d'Allah. C'est un grand péché, c'est un petit péché ? C'est un grand péché. Hein ? Donc s'il y a un texte où dit La'natullah ala fulan mathalan, alors ça montre quoi ? Que c'est un grand péché. D'accord ? Donc ça, c'est cinq choses que les ulama ont mentionnées, hein, viennent nous aider à comprendre quels sont les grands péchés. Et c'est important de savoir pourquoi. Parce qu'il faut savoir que les grands péchés, il n'y a rien qui les efface, excepté quoi ? At-tawba, le repentir. Contrairement aux petits péchés. Les petits péchés peuvent être effacés par certaines actions. Mais le grand péché, il est effacé que par tawba. C'est-à-dire le fait de se repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, un repentir sincère. D'accord ? وَهُنَا الْمَقْصُودُ بِالْأَكْلِ وَالشَّرَبِ هو إشارة إلى أهم الاستعمالات وأكثر الاستعمالات كالتي يفعل الكفار يشربون ويأكلون ويستعملون الآنية من ذهب والفضة. Ici, comment on vient expliquer le hadith ? Pourquoi le prophète a parlé du fait de boire et de manger avec des récipients d'or et d'argent ? C'est parce que, hein, c'est les récipients, leur utilité première, c'est quoi ? Le fait de boire et de manger. Et le fait qu'on le plus de fois où on utilise plus les récipients, pourquoi ? Pour manger et pour boire. C'est pour ça qu'il a mentionné ici. N'est-ce pas que les mécréants, hein, ils prennent les récipients pour boire de l'alcool, hein, ils prennent des verres en or, hein, et ils boivent, hein, leur alcool, etc. Ou ils prennent des couverts en argent, hein, et ils mangent, etc. Ils utilisent le plus. Hein, ces récipients pour faire quoi ? Ani, pour manger et pour boire. Fahimtoum ? هذه المسألة مجمع عليها يعني لا يجوز الشرب والأكل والسائر الاستعمالات. Ani, ce sujet, il y a un consensus des savants, comme on a dit, qu'il n'est pas permis de boire, de manger et d'utiliser de quelconque manière les récipients d'or et d'argent. Et on remet les choses dans le contexte. Pourquoi on parle de ceci à ce moment-là? Parce qu'on utilise les récipients, pourquoi? Pour les ablutions. Donc si un jour tu vas chez quelqu'un, il est très fier de ses récipients, il te sort un récipient en or et il te met un lot pour faire tes ablutions. Là, il y a une chose. C'est pas permis. C'est pas permis d'utiliser. وَلَمْ يُخَالِفْ إِلَّا دَاوُدَ الظَّاهِرِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَدْ أَخْتَهَا قَوْلُهُ شَاذْ مُخَالِفْ النَّصِ أي أنه خالف الجمهور وشيع العثيمين رجح هذا القول من داود وقبله السنعاني ونقل مجموع من العلماء منهم ابن العربي والبغاوي والنووي بالاتفاق نقل أو له نقلوا الاتفاق. Et donc il y a quelqu'un, il y a un des savants qui a contredit le consensus des savants. C'est Daoud al-Zahiri. On a déjà parlé de Daoud al-Zahiri, hein, qui était un savant, lui, qui, duquel un cinquième madhab est sorti. Le madhab des Zahiriya. C'est-à-dire ceux qui prennent le texte comme ça, apparent. Le texte, ils prennent le sens apparent sans voir les autres textes qui vont avec, etc. Donc lui, hein, il voit que c'est seulement boire et manger, c'est tout. Hein, toutes les autres utilisations, elles sont permises. Il a pris le texte de façon apparente. Et comme a dit Shir ici, hein, son qol, il est chad. C'est-à-dire que son qol, il est isolé par rapport au reste hein, de la, du consensus des savants. Malgré le fait qu'à notre époque, par exemple, Shir al-Uthaymin hein, a suivi son avis. Hein, et avant lui, Hassan Ali. Cependant, hein, le consensus des savants parmi les pieux prédécesseurs sont d'accord pour dire que c'est toute utilisation qui est interdite. Et Ibn al-Arabi, hein, al-Maliki, et al-Baraoui, et al-Nawawi, hein, tous ces savants-là ont rapporté al-Ittifaq, al-Ijma'i, le consensus des savants sur le fait qu'il est interdit d'utiliser dans n'importe quelle utilisation. Wa yu'akkid hadha al-Ittifaq بما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث البراء ابن عازم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور وقال وعن الذهب والفضة وقال العلماء هذا النص عام المقصود به الاستعمال والأكل والشرب من الاستعمال وهو الصواب لا يجوز استعمال الذهب والفضة في أي شيء يعني مثلا قلم من الذهب أو جوال من الفضة إلا اليسير من الفضة كما أشرنا. Et ce qui vient confirmer le consensus des savants, c'est un hadith rapporté dans le musnad de l'imam Ahmed. On vous rappelle le musnad, on a dit que c'est un des plus grands livres de hadith présents à notre époque. Plus de 30 000 hadiths, 52 volumes, hein, Allahu Akbar, dans lesquels il y a hein, beaucoup de hadiths. Et il y a notamment un hadith de Al-Bara ibn Azim, radiallahu anhu, qui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit un certain nombre de choses. Et parmi ces choses, il a dit l'or et l'argent. Donc les ulema hein, ont dit que ceci est un texte général. Et ce qui est voulu, c'est l'utilisation de l'or et de l'argent. Hein? Et que ce soit pour manger, pour boire ou pour autre. Hein? Et ceci, donc, est l'avis le plus juste hein, dans ce sujet. Il n'est pas permis d'utiliser l'or et l'argent, hein? Comme par exemple ceux qui ont des stylos en or. Hein? Ou alors il a un téléphone hein, en or. Hein? Maintenant, ils font des téléphones en or. Allahu Akbar. Ça, c'est pas permis. Il est yassir, excepté hein, si on utilise un tout petit peu d'argent, comme on a vu au début du cours, hein, pour un besoin spécifique, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a comblé un trou de son récipient avec un petit peu d'argent. D'accord ? Fahimtoum ? Taïm. Wa yajouz lirrijal libs al-fidda. كما لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الختم également il est permis pour les hommes hein, de porter une bague en argent comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait à son dernier doigt, à l'auriculaire, hein, il portait une bague en argent avec le sceau, avec son sceau qui était dessus, sallallahu alayhi wa sallam. Comme il dit ici le shir, ada yarji' ila al-urf, c'est-à-dire que c'est pas spécifique à la bague, mais ça revient aux coutumes des gens dans le pays, d'accord. Maintenant, à notre époque, pour ce qui concerne par exemple les colliers, etc., ça c'est des choses, c'est des bijoux qui sont spécifiques aux femmes, d'accord. Et malheureusement, beaucoup de musulmans ont commencé à porter des colliers, etc., par ressemblance aux kuffar. Mais chez les musulmans, les bijoux, excepté la bague, ils ne connaissaient pas les colliers, etc., ou les boucles d'oreilles. Ça, c'est spécifique aux kuffar ou alors aux femmes. D'accord ? Donc, ça revient à la coutume des gens. Voyez ? Al-Muhim. On passe au chapitre suivant. Babu al-istinja'i wa adabi qada'i al-haja. Un chapitre sur le fait de se nettoyer les parties intimes après avoir fait ses besoins, c'est ce qu'on appelle al-istinja, comme on va le voir, et aussi le comportement à avoir lorsqu'on fait nos besoins naturels. Encore une fois, ici on est dans le chapitre de quoi ? At-tahara, la purification. Donc on doit apprendre comment également se purifier de nos besoins naturels. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى. Il commence le musannif. Il nous dit, rahimahullah ta'ala, il est recommandé lorsqu'on veut rentrer là où on va faire nos besoins de rentrer avec le pied gauche, comme vous le savez tous. هل يأتي دليل من السنة أن اليسرى تقدم؟ Est-ce qu'il y a un hadith dans la sunna qui vient mentionner qu'on doit forcément rentrer avec le pied gauche dans les toilettes ou là où on va faire nos besoins? Est-ce que quelqu'un connaît un hadith? Non, personne. لا يأتي دليل صريح على ذلك لكن الفقهاء على هذا بل منهم من نقل عن الاتفاق قال العلماء ما كان من باب التشريف والتكريم تقدم فيه اليمنى وما كان دون ذلك فتقدم فيه اليسرى ودخول الخلاء لا شك أنه مكان يستعيذ بالله منه وليس من باب التشريف أو التكريم. Donc il n'y a aucun hadith connu sur le fait qu'il faut rentrer avec son pied gauche en premier dans les toilettes. Il n'y a aucun hadith clair, évident. Cependant, les savants du fiqh ont mentionné, et même certains d'entre eux ont mentionné le consensus sur le sujet. Ils ont dit quoi ? Ils ont dit que lorsqu'il y a un acte où il y a une noblesse, où il y a quelque chose d'honorable dans cette chose, alors on commence avec la droite. Mais lorsque c'est le contraire, alors on commence avec la gauche. D'accord ? On prévaut la droite sur quelque chose qui est noble, qui est digne, qui est honorable. Et quand c'est le contraire, on commence avec la gauche. Et il n'y a pas de doute, mes frères, que lorsqu'on rentre aux toilettes, c'est quelque chose de digne, d'honorable. Non, c'est quelque chose, on va faire ses besoins. C'est quelque chose qui est répugnant. D'accord ? Donc, dans ce cas-là, on rentre avec le pied gauche en premier. Contrairement à quoi ? Au masjid, à la mosquée. Quand tu rentres à la mosquée, c'est honorable ou c'est quelque chose de répugnant ? C'est quelque chose d'honorable. Alors là, on rentre avec le pied droit en premier. Fahimtoum ? Wa yaqul bismillah. Et donc, il dit, lorsqu'il rentre, bismillah. Al-hadith fi sahihayn. الحديث الذي في الصحيحين ليس فيه ذكر البسملة لكن جاء عند الترمذي زيادة أن البسملة هي ستر بين عين الجن وعورة بني آدم وحسنه الألباني. Le hadith hein, que vous connaissez tous, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam hein, mentionne, lorsqu'on rentre aux toilettes, on dit hein, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Hein, ce hadith, il est dans Sahihain, c'est-à-dire rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il n'y a pas la mention du bismillah, de la bismillah, ni le fait de dire bismillahir rahmanir rahim. Cependant, il y a dans Sunan al-Tirmidhi hein, un rajout dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mentionne que la basmala, le fait de dire bismillah, hein, c'est un voile entre les yeux des djinns et les parties intimes des enfants d'Adam, yani des êtres humains. D'accord ? Et ce hadith a été rendu bon, jugé bon par Sheikh Al-Albani. Donc quand tu dis bismillah pour rentrer aux toilettes, parce que tu vas te dévêtir, hein, tu vas te dévêtir, et donc ta aura, tes parties intimes vont être découvertes. Et donc pour cacher tes parties intimes de la vision des djinns, hein, tu dis al-bismillah comme ça a été rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Et donc on dit Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Ou jaa fi riwaya min al-khubuthi. Hein? Dans certaines versions al-khubthi, ou dans certaines versions al-khubuthi. D'accord? Wa hadhi min as-sunnah. Hein, cette dua fait partie de la sunna. Hein? Al-khubuth jam'u al-khabith wal maqsoud bihi ash-shaytan ay dhakaru ash-shayatin. D'accord? Al-khubuth, c'est le pluriel de quoi? De khabith. Et ici, ce qui est voulu, c'est qui? Shaytan. C'est-à-dire, ici, c'est quoi qui est voulu? Hein? Les démons mal. Ash-shayatin mal. M-A-L-E. Un mal, yani homme. Wal-khaba'ith, hein? Untha al-jin. Hein? Et le khaba'ith, c'est les démons, les djinns femelles. D'accord? Wal-khubf, yani avec sukun sur le bas, al-maqsoud bihi al-shar. Hein? Et si on dit al-khubf, ce qui est voulu, c'est quoi? Le mal. D'accord? Donc on peut dire al-khubuth, on peut dire al-khubth. Fahimtoum? Naïmoun, vous êtes là, hein? Taïm. Wa hal yaqul hadha ad-du'a fi al-qada? Ani mithlu as-sahra? Et quand est-ce qu'il dit donc cette du'a? Est-ce qu'il dit quand il rentre? Ou est-ce qu'il dit hein, quand il s'apprête à faire ses besoins? Hein? Il nous dit le chien ici, yaquluhu fi waqti nuzul qada al-haja ay fi al-julus. Il nous dit ici, il dit cette dua quand la personne elle se baisse pour faire ses besoins. D'accord? Quand elle se baisse pour faire ses besoins. C'est à ce moment-là qu'elle dit cette dua. Remettez les choses dans le contexte, mes frères et mes sœurs. À l'époque des sahabes, du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et des sahabas, est-ce qu'on avait ces pièces, hein? Avec des toilettes comme à notre époque, non. Quelqu'un veut faire ses besoins, il sort hein, légèrement de la ville, il va derrière un arbre ou derrière une pierre, une grande pierre, derrière une dune, il fait ses besoins. C'était comme ça, d'accord? Donc à ce moment-là, il faisait la dua quand? Lorsqu'il se baissait pour faire ses besoins. Donc c'est pour ça qu'ici le chien mentionne, tu te dis cette dua quand tu te baisses pour faire tes besoins. Wa idha kharaja minhu قدم اليمنى وقال غفرانك. Et quand il sort des toilettes, à ce moment-là, il sort avec le pied droit, hein, en premier, et il dit غفرانك. هذا متفق عليه إلا لم يأتي دليل أو نص من السنة. Pareil. Tous les savants sont d'accord pour dire qu'on sort avec le pied droit, malgré le fait qu'il n'y a pas de dalil, de preuve évidente ou claire sur le sujet. Concernant la parole غفرانك هذا ثابت عند أحمد وأبي داود كأنه يشكر ربه على أن الله أذهب عنه هذا الأذى فيستغفر الله ويريد من الله كما أنه أبعد عنه هذا الأذى الحسي يبعد عنه المعاصي والأذى المعنوي والآثام والذنوب هذا ما قال الشافعي وفي قول آخر نقول غفرانك لأنه احتبس من ذكر الله كما قال صلى الله عليه وسلم كرهت أن أذكر الله وأنا على غير الطهور الطهور. Donc ici ça, le fait de dire Ghufranaka, ça a été rapporté hein, de façon authentique dans le Musnad de l'imam Ahmed et dans le livre hein, de Sunan de Abi Daoud, de Abu Daoud. Hein. C'est comme s'il disait, il demandait pardon, pour qu'en fait c'est comme s'il remerciait son Seigneur hein, sur le fait que Allah a éloigné de lui, a enlevé de lui hein, ces choses hein, mauvaises, yani les choses qui sortent, l'urine et l'excrément. D'accord ? Et donc, il demande pardon à Allah. Et il veut, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme il a éloigné de lui ces choses hein, répugnantes, hein, on lui demande qu'il éloigne de nous hein, les péchés. Hein, les péchés hein, et les mauvaises actions, etc. D'accord ? Donc, tout comme il a enlevé ces choses hein, répugnantes, l'urine et l'excrément, on demande pardon à Allah afin qu'il nous enlève quoi ? Les choses répugnantes, mais de façon au sens figuré, yani, hein, les péchés et les mauvaises actions. Ça, c'est la parole qu'a rapporté l'imam al-Shafi'i. Il y a une autre parole qui dit, pourquoi on dit Ghufranaka ? Pourquoi on demande pardon à Allah ? Car on a été empêché de mentionner le nom d'Allah, de faire le dhikr. Hein ? Hein, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné hein, je déteste mentionner le nom d'Allah alors que je ne suis pas en état de pureté. Donc là quand on est aux toilettes, est-ce qu'on fait le dhikr et azkar et tout ça? Non. Donc quand on sort, on demande pardon à Allah pour avoir passé un temps où on ne peut pas mentionner hein, le nom d'Allah azza wa jal. Ça c'est une deuxième parole des ulema sur le sens de Ghufran ou la raison qu'on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez mes frères, subhanallah, si on médite un peu sur cela hein, sur cette deuxième explication. Hein. Regardez les savants. Ils nous mentionnent que l'explication, pourquoi on demande pardon à Allah ? Parce qu'on demande à Allah de nous pardonner de ne pas avoir mentionné le nom d'Allah durant ce moment-là. Peut-être 5 minutes, hein, ou allez, peut-être 10 minutes si, hein, si la personne dure un peu. Où sommes-nous, nous, qui ne sommes pas aux toilettes hein, et qu'on passe des heures et des heures et des heures sans mentionner une seule fois le nom d'Allah Azza wa Jalla. Sans faire le dhikr une seule fois, sans dire subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, etc. Des heures, peut-être même des fois des jours entiers. Hein? Et là, les savants nous disent, on demande, hein, ici, la raison de demander pardon, parce qu'on a perdu 5 minutes sans mentionner le nom d'Allah. Mais nous, c'est, on devrait demander pardon à Allah, et chaque fraction de seconde, tellement qu'on est, hein, tellement qu'on est ingrat hein, sur le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu al-musta'an. قال المصنف رحمه الله تعالى الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لا يمكن أن ندعى كي سلسية الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني لكن هذا لا يعمل به لأنه ضعيف في إسناده إسماعيل ابن مسلم المكي وهو ضعيف قال البوسيري ومتفق على تضعيفه. Donc pourquoi cette dua, peut-être vous l'avez jamais entendue, je ne sais pas. Alhamdulillah, alladhi adhaba anni al-adha wa afani. C'est parce que cette dua, elle est pas authentique, elle est pas correcte. Elle est pas rapportée de manière authentique dans la sunna. Hein, le hadith qui a été rapporté à ce sujet, dans la chaîne de transmission, il y a un homme qui s'appelle Ismail ibn Muslim al-Makki. Et les ulémas du hadith, hein, les savants du hadith, sont tous d'accord pour dire qu'il est faible et qu'on ne peut pas prendre les hadiths de lui. D'accord ? Mais donc là, l'auteur, il l'a mentionné dans le livre, donc on est obligé de le mentionner afin que vous sachiez. وَيَعْتَمِدُ فِي جُلُوسِهِ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَيَنْسُبُ الْيُمْنَى. Il nous dit, lorsqu'il s'assoit pour faire ses besoins, hein, il se repose sur sa jambe gauche et il étend sa jambe droite. Hein? Vous voyez la scène? Quelqu'un veut nous faire une démonstration ou pas? Hein? Donc il se met il s'appuie sur sa jambe gauche, hein, il est assis et sa jambe droite elle est allongée. Vous voyez la chose? Taïeb, très bien. Ida wajada jidaran. Afan, j'ai été trop loin. هذه الطريقة الفقهاء استحبوا أن يكون عليها إذا قضى حاجته. الفقهاء بنوا الحكم على حديث عند البيهقي، وفي الحقيقة هو ضعيف. ومن العجيب أن أهل الاختصاص من الأطباء يقولون أن هذا أسلم طريقة وفيه السلامة للجسد بسبب وفيها السلامة للإنسان بسبب هذا الجلوس، تخرج كل الفضلات الذي فيه. ولا شك أن أهل التخصص أثبتوه، فلا بس بهذه الجلوس لأنها ليس عبادة بل من الأمور الدنيوية. Et donc, cette façon de s'asseoir, c'est la façon qu'ont expliqué les gens du fiqh, les savants du fiqh. D'accord ? Lorsque tu veux accomplir tes besoins naturels. Et ils ont basé leur jugement sur un hadith rapporté dans Sunan al-Bayhaqi. Mais en réalité, le hadith, il est da'if, il est faible. On ne peut pas se reposer dessus. Cependant, et très étonnant, c'est que les spécialistes parmi les docteurs en médecine ont dit, ils ont fait des études, ils ont trouvé que cette façon de s'asseoir, c'est la meilleure façon, la façon la plus saine et la plus sûre pour l'être humain, pour expulser tous les déchets de son ventre. D'accord ? Tous les déchets de son ventre. Donc il n'y a pas de doute que si les gens spécialistes en la matière mentionnent que ceci est la meilleure façon pour expulser les déchets de son ventre, alors il n'y a pas de mal à s'asseoir de cette manière. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une adoration. Là, c'est quelque chose d'adounia, on n'est pas en train de faire une adoration. Ainsi, il nous dit que c'est la meilleure situation, on peut le faire afin de mettre en pratique leur expertise. D'accord ? Donc cette façon de s'asseoir, il mentionne que c'est la meilleure pour expulser tout ce qu'on a dans le ventre, d'accord ? Lorsqu'on veut faire nos besoins naturels. Wallahu ta'ala a'lam. طيب نكتفي بهذا وقت العشاء ونستمر إن شاء الله نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله جزاكم الله خيرا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.